Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour les Infinite Wars 2015. Ils étaient 168 personnages au tout début des Infinite Wars il y a maintenant 2 mois. Ils ne sont plus que 64, 32 personnages des univers comics et 32 personnages des univers écrans. Chaque semaine, nous vous proposons un combat qui opposera 8 personnages. Il ne restera qu'un à la fin de chaque émission avant la grande finale qui aura lieu le dimanche 6 septembre en direct. Le sixième round des Infinite Wars 2015 commence maintenant. Et avec moi, comme pour toutes les émissions écran jusque-là, Arnaud. Salut. Byron. Salut. Clément. Salut. Clément. Salut. Et Nib. Salut. Allez, on va attaquer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, on va faire un petit point peut-être sur les Jokers pour dire que Byron, tu as toujours ton Joker, sauf erreur, et que Manon a toujours le sien. Nib, tu l'as toujours, mais toi, t'as plus de personnages. Donc. Merci de me le rappeler, c'est sympa. Voilà. Premier duel de cette émission, Quicksilver version Age of Ultron, interprété donc par Aaron Taylor Johnson, qui est un personnage de Manon, qui sera représenté par Clément, puisque Manon n'est pas là. Et en face de Quicksilver, un autre personnage du MCU, Maria Hill, que je représente, puisque c'est moi qui l'ai choisi. Clément, tu veux bien nous présenter Quicksilver ? C'est le frère de Wanda, donc comme c'est dans Avengers Age of Ultron, ce n'est pas un mutant à proprement parler, mais aussi la résultante d'une expérience de Hydra. Ouais. Il est apparu dans Avengers Age of Ultron, mais faut pas compter le revoir hein, par la suite. Hein. Il lui arrive, ça va être un peu compliqué. Personne ne meurt chez Marvel. Même je crois que Dead is Dead a été dit quand même à son sujet. En face de lui, Maria Hill, interprétée par l'excellente Cobie Smulders. Maria Hill que l'on voit dans pas mal de films, puisqu'elle appartient au S.H.I.E.L.D. Donc S.H.I.E.L.D. qui est un élément un peu liant dans l'univers Marvel cinématique, donc forcément on la voit régulièrement. Les performances que je retiendrai d'elle dans le MCU, peut-être celle dans Captain America Winter Soldier, parce qu'elle se bat quand même contre la fin de son organisation. Et j'aime bien aussi la voir dans Agents of S.H.I.E.L.D. parce que c'est là où finalement elle a le plus de temps de parole. Et où on peut vraiment plus voir le personnage, voilà. Même si elle est apparue peu de fois où on l'a vu, où on l'a pas vu pour rien, quoi. Donc, c'est plutôt cool. Clément, pourquoi Quicksilver devrait-il battre Maria Hill? Parce qu'il est plus rapide, donc, techniquement, même si Maria Hill veut lui foutre une dérouillée, ça va être un peu compliqué quand même, hein, comme te dit sa vitesse. Et puis, parce que il reste relativement classe, on va dire. Si on enlève le fait qu'il est mort. D'accord. Pourquoi Maria Hill devrait-elle battre Quicksilver? Oh putain. Je pense que Maria vient de remporter ce match par KO. C'était déjà le cas avant, mais là. Pourquoi devrait-elle? Parce que c'est peut-être la seule qui est capable de tenir tête à Nick Fury dans cet univers cinématique universe. C'est une des seules, en tout cas, que j'ai vu envoyer chier Nick Fury. Donc rien que pour ça, elle mérite au moins de passer une étape. Après, on verra pour la suite, mais au moins une. Clément. Oui. Il y a la possibilité, au nom de Manon, d'utiliser son Joker pour éliminer Maria Hill et qualifier Quicksilver. Reste combien de personnages? Il reste un autre, après, dans l'émission suivante, qui est Red Skull. Pas le con. Je vais utiliser le Joker. Oh putain. Ok, bye bye Maria Hill. Et elle passe donc à l'étape suivante, mais c'est pas grave, de toute façon, elle se fera poutrer au match suivant. Quicksilver, donc, passe à l'étape suivante, et il va affronter le vainqueur du match qui opposera Byron et moi. Je crois que c'est la première fois que ce sont deux de nos personnages qui s'affrontent, Byron. Tu vas défendre l'indéfendable Batman par George Clooney. Et je vais tenter de faire triompher face à lui Harley Quinn de la série Batman animée. Byron, vas-y. Alors, même si ça va être très difficile, je pense que le Batman de Clooney a le mérite au moins de proposer une version autre que la version toujours très dark et quasi dépressive de Batman qu'on a quasiment tout le temps maintenant. Ça, c'est sûr, c'est une autre version. Ça, je te l'accorde. Version crypto-gay. Version téton. Ouais, version téton. Version Sadomaso. Et aussi parce qu'il a la Bat Mastercard. Et donc, dans le pour ça, il peut passer. Voilà. Harley Quinn, de son vrai nom Harley Quinzel, infirmière psychiatrique qui finit du mauvais côté de la barrière, qui a été créée, et c'était assez rare pour le dernier, qui a été créée dans la série animée Batman et qui ensuite est arrivée dans l'univers des comics tellement elle était populaire et tellement elle était juste cool, quoi. C'est Harley Quinn, enfin, juste fermer les yeux et écouter là, et en pensant à sa réplique Monsieur J. C'est incroyable, même sa voix, c'est une voix qui est vraiment, et la façon dont elle avait à le dire, c'était, voilà. Harley Quinn, quoi. Je vous ferai pas l'histoire des céréales, parce que ça marchera pas avec elle, mais. Hein? Mais quand même. Quoi, l'histoire des céréales? Oui, Batman. Ah oui, pardon, excuse-moi. Je vais pas aller plus loin pour défendre Harley Quinn, parce que, à partir du moment où même l'acteur qui a interprété cette version de Batman, arrive à ne pas arriver à la défendre, enfin, voilà. Je me dis finalement, parce que j'ai besoin de me fatiguer pour Harley, je ne suis pas sûr. Byron, tu sais qu'il te reste ton Joker. Si tu l'utilises, tu l'utiliseras forcément dans cette émission, parce que c'est la dernière émission où tu as des personnages. Est-ce que tu l'utilises pour éliminer Harley Quinn? Et si je gagne, là, je tombe en demi-finale contre qui? Contre Quicksilver, représenté par Clément. Là. T'as pas besoin de Joker. Enfoiré. Non, je le prends pas. D'accord. Tu donnes ton point à ton personnage? Ouais, quand même, pour la forme. Je donne le mien à mon personnage, ultra populaire, hein, je vous l'avais dit, et qui a les 5 points des auditeurs, Batman de Clooney, ultra populaire aussi, et qui en a un. Je demande à Arnaud de choisir. Bah, George Clooney s'excuse encore d'avoir joué dans ce film, il s'est encore excusé pour la promo de son dernier film, donc bien évidemment Harley Quinn. Je croyais que pour ça, t'allais lui faire encore subir un peu. Je suis pas sadomaso, contrairement à lui dans le film. Clément. Harley Quinn. Nib. Ouais, mais George Clooney, s'il s'excuse encore, c'est parce que voilà, c'est la pression des médias, tout ça, il a envie de se faire bien voir, mais bon. Moi, je vote George Clooney. D'accord. Harley Quinn 10, Batman de George Clooney 4. Donc, évidemment, Harley Quinn, sans encombre, arrive au stade suivant et affrontera tout à l'heure Quicksilver de Manon, défendu par Clément. Le voilà, ça y est, le voilà, le moment que j'attends. Enfin, je vais pouvoir défendre Stan Lee, puisque oui, c'est moi qui ai choisi Stan Lee. Et Byron, tu vas défendre Hal Jordan version Ryan Reynolds, c'est-à-dire version cinéma. Oui. Ouais, bah, Stan Lee, c'est aussi difficile, mais t'as pris des bons points. C'est ça, donc Stan Lee, je l'ai choisi puisque quand même, quoi. En plus, il est crédité en tant que lui-même dans certains films, donc du coup, c'est pour ça que je me suis permis de mettre Stan Lee et non pas le personnage interprété par Stan Lee dans le MCU. Voilà, il est parfois crédité en tant que as himself, donc du coup, voilà, c'est juste, je voulais le mettre pour un hommage au grand monsieur qu'il est, au grand créateur qu'il est. Qui a juste créé tout l'univers Marvel quasiment à lui seul et qui, voilà, qui, rien que pour ça, mérite un respect éternel et qui, en plus, dans chacune de ses apparitions dans le MCU, enfin, déclenche quand même quelques rires. Enfin, voilà, ça paraît anecdotique, son petit caméo à chaque fois, mais mine de rien, il est quand même attendu. Parce que quand on voit passer une news, Stan Lee fera un caméo dans tel film, ben on est quand même, on est super content. Donc il a vraiment sa place dans le MCU. Certaines rumeurs lui prêtent un rôle. A priori, il aurait vraiment un rôle. Il jouerait vraiment voilà un personnage. On ne sait pas lequel. C'est pour ça aussi que pour le moment, il est crédité en tant que Stan Lee. Mais voilà, j'aimerais bien savoir qui il joue et pourquoi on le voit dans tous les films de l'univers Marvel. Bon, ça serait intéressant. Pourquoi Hal Jordan, Ryan Reynolds devrait-il battre Stanley? Bah en fait, franchement, pour être franc avec toi, j'aurais gardé mon Joker pour lui, mais face à Stanley, je peux pas mettre un Joker, quoi. Donc, Tu t'es fait avoir tout seul. Tu n'utilises pas ton Joker donc? Non, non. Non, alors il va falloir que tu défendes Reynolds. Pourquoi il devrait Ça passer va au stade pas. suivant? Parce que. Bah parce que c'est le meilleur Green Lantern qu'on ait vu à ce jour. Parce que. Ça c'est mais bravo. Pas, non, mais bravo, c'est un argument imparable. Bravo. Je peux donner un argument pour lui si tu veux. Vas-y, Nib, ne te gêne pas. En fait, voilà, Green Lantern, du moins Ryan Reynolds, je trouve qu'il correspond bien au personnage d'Al Jordan dans le sens où je le vois quelqu'un de déconneur, de pas d'égocentrique, mais de prétentieux, quelque chose comme ça, quoi. Et moi, je trouve que Al Jordan est bien représenté comme ça. Okay. Ouais, c'est vrai, il a pas tort. Hein, franchement, il a pas tort. C'est, je pense, voilà, en fait, voilà. C'est plus le film, le pas le scénario, mais en fait, le réalisateur et tout ça qui ont fait que il est surtout moqué. Mais je trouve que en lui-même, il correspond comme Nib l'a dit. C'est un bon Hal Jordan dans un bon film, quoi. C'est clair. Ouais. Pourquoi pas. J'ai revu Green Lantern il y a pas longtemps. Il n'a pas que des défauts comme film. Enfin voilà, il y a quand même de bonnes intentions qui restent des intentions. Bon. Ryan Reynolds, à mon sens, n'est pas forcément un des défauts du film pour la défense de ce personnage. Parce que oui, face à Stan Lee, je peux aussi défendre les autres. Stan Lee, c'est un vendu, c'est pas. Stanley, 3 points quand même. Et quand même, parce que c'est une surprise, jusque-là il était toujours arrivé en tête dans les poules dans lesquelles il se trouvait, ou quasiment. Et là, bon, il arrive 3e avec 3 points. Al Jordan, Ryan Reynolds, 1 point. Quand même, sauf l'honneur. Byron, tu donnes ton point à ton personnage? Non, je le donne à Stanley parce que c'est... Oh là là. J'adore Byron, c'est le meilleur. Pas lui trouver. C'est vrai que Stanley, j'y avais pas pensé, mais bien joué, bien joué. De toute façon, j'ai dit c'est lui qui allait gagner l'Infinite Wars, et je ferai tout pour qu'il gagne l'Infinite Wars. Arnaud. La question se pose même pas, Stanley. Nib. Green Lantern. Clément. Stanley. Et Papy Stanley passe le tour suivant et rejoindra le vainqueur du prochain match, qui est donc soit... Encore un personnage de Byron, décidément aujourd'hui, très représenté, Robin, interprété par Chris O'Donnell. Robin Téton. C'est ça. Robin. Après Bat Téton, nous avons donc Robin Téton. Et... c'est difficile d'enchaîner parce que je vais représenter Black Widow. Black Téton, hein, je représente Black Widow, je la représente au nom de Elvire, qui n'est pas là aujourd'hui. Byron, il te reste ton Joker, l'utilises-tu? Ouais. Voilà, comme ça, le match est tué d'entrée, je savais que t'allais le faire, donc voilà. Hop. Ça m'évite de représenter un personnage que je déteste. Allez, on passe aux demi-finales de cette émission. Et alors là, c'est un peu les demi-finales de l'impossible. De l'improbable, je dirais même. Clément, tu vas représenter au nom de Manon, Quicksilver, version Aaron Taylor Johnson, contre Harley Quinn de la série animée Batman. Pourquoi Quicksilver devrait-il battre Harley Quinn? À part parce qu'il va plus vite. Moi, je le trouvais pas mal. Il faisait un peu baraqué. Bon, c'est vrai que ça, je lui en laisse arrêter de désirer, mais moi, je le trouvais bien foutu. Franchement, bien foutu. Avec mon petit accent et tout, c'était pas mal. Les autres, vous avez des arguments pour Quicksilver? Non, pas pour lui. Pas pour Quicksilver, lui. C'est un héros. Il a sauvé Okai, quoi. C'est un héros, quoi. C'est pas un pauvre gars qui passe son temps à écouter de la musique, quoi. Merci Nib d'avoir dit ça. Tu viens de me fournir l'argument pour Harley Quinn. Bah oui, bordel, il a sauvé Okai. C'est pour ça qu'il doit perdre. Ok, je m'en vais, je vais aux toilettes. j'avais pas encore trouvé l'angle pour contrer Quicksilver, c'est mais évidemment, nul comme argument. Évidemment, c'est le mec qui a sauvé à Hawkeye. Ah là là là là. C'est enfin bon. Ton argument, Harley Quinn avec son marteau et tout. Ouf, non mais. Justement, voilà. C'est ridicule. Et après, juste une petite chose. Harley Quinn, quand on sait qu'elle a de base été docteur en psychiatrie, donc un truc assez poussé. Quand on voit le personnage, j'ai du mal à m'imaginer avant, donc. Elle est un peu. Quoi. C'est vrai que c'est un peu. Enfin, je peux te rejoindre là-dedans, dans le sens où elle a quand même l'air un peu crétine. C'est vrai. C'est ça. Donc j'ai du mal à me dire, elle était docteur, elle avait une certaine prestance et tout. Elle a complètement pété un câble, quoi. La ouais, Harley Quinzel n'existe plus et elle a été complètement détruite par Harley Quinn. C'est ça. C'est aussi intéressant, parce que du coup, ça aurait pu être intéressant de voir la version. Enfin, Harley Quinzel reprendre le dessus à l'occasion dans la série, mais bon, ça n'a pas eu lieu. Et puis c'était peut-être pas le propos de la série non plus, mais voilà, ça aurait pu effectivement être intéressant. Harley Quinn, enfin, est-ce que le Joker de la série animée serait si intéressant s'il avait pas Harley Quinn à ses côtés? Je me demande. On va passer au vote. 2 pour Quicksilver et 5 pour Harley Quinn d'après les auditeurs. Je donne évidemment mon point à Harley. On va considérer que Manon donne son point à Quicksilver. Clément, à qui donnes-tu ton vote? Harley. Arnaud. Harley. Nib. Quicksilver. Ah, du coup, j'étais prêt à les mettre à Harley, comme quoi. Byron. Harley. Et sans surprise, Harley Quinn passe encore une étape et se retrouve prête à atteindre la finale de cette émission face à Stan Lee ou Robin, Chris O'Donnell. Et là, cette fois, Byron, il va falloir que tu nous le défendes, ton Robin. Il est tout à fait défendable. Outre son costume, qui était un peu... qui, si on enlève les tétons, qui était pas trop moche encore pour l'époque, je trouve. Les tétons. Ça fait mal dans la vie. C'est clair. Il était quand même plutôt. Moi, j'ai trouvé bien ce Robin. En fait, il était vraiment. Le costume est pas mal. Enfin, Il était bien parce que il était quand même un peu comme dans les comics, un peu en opposition à Batman. Il avait une moto trop cool aussi. Même si c'est vrai qu'en fait, maintenant que je le regarde, quand je suis plus grand. Je trouve que c'est vrai qu'il faisait un peu pit, mais quand j'étais petit, pour moi, c'était trop bien. Enfin, je voyais pas tous les défauts qu'il pouvait y avoir, quoi. Et donc, du coup, pour moi, le Robin là était trop cool. Et du coup, rien que pour ça, je trouve qu'il devrait passer, parce que je trouve qu'au moment où il est sorti, quand j'étais jeune et que j'ai regardé le truc, ben, moi, franchement, c'est pour ça que je pense, en fait, c'est plus, en fait, grâce à lui que aujourd'hui j'aime, que Robin, c'est un de mes personnages préférés, alors que pourtant, j'ai pas une grande référence, quoi, mais, je trouve que c'est en fait grâce à lui comme ça que j'aime bien le personnage de Robin. Donc, je pense que ça doit être le cas pour d'autres. Enfin, j'espère ne pas être le seul du coup. Et du coup, je pense qu'il devrait passer même face à Stan Lee. Ça va être difficile, mais au moins lui laisser ça. Je t'accorde que Stan Lee sur une moto, ça fait moins rêver. C'est clair. Tout comme les tétons de Stan Lee. Je te l'accorde aussi. Mais après, Stan Lee nous a tellement fait rêver. Après, voilà, je dois défendre le personnage de Stan Lee dans les films, donc je dois aussi... faire abstraction du génie qu'il est dans ses films, dans tous les films Marvel, quand Stan Lee apparaît, il apparaît à un moment où il va toujours faire baisser un peu la tension, ou même s'il apparaît au milieu d'une scène d'action, comme ça peut être le cas dans Gardien de la Galaxie, il apparaît dans une scène quand même assez dynamique. Le moment où on le voit, c'est pas comme si tout s'arrêtait, mais presque. Enfin, c'est Il y a quelque chose qui se passe à chaque fois avec ces scènes. T'es amoureux. Non, quand même, faut pas abuser. voilà. Il y a un truc qui se passe quand dans les scènes de Stan Lee, elles sont hyper attendues. J'espère qu'il pourra nous en proposer encore énormément d'autres, malgré son âge qui commence à avancer. Et voilà, j'espère qu'il pourra au moins aller jusqu'à la fin et avoir une scène dans Infinity Wars. Infinity War plutôt, car au moins qu'il pourra aller jusque là, parce que ça sera un peu l'apogée de l'univers Marvel au cinéma, et voilà, avoir un film comme ça sans lui, ça serait hyper dommage. Je vous propose de voter maintenant, 3 pour Stan Lee et 1 pour Robin. Byron vote pour son Robin, ouais. Les arguments qu'il a posés. Je vais faire un twist. J'ai très confiance en Stan Lee, etc. Je pense que vous allez le soutenir. On verra, même si vous ne le faites pas, je regretterai pas ce que je vais faire. Je vais quand même donner mon point à Robin pour l'argument de Byron qui a fait cible. Arnaud. C'est à raison, son argument est intéressant. Sauf que, en grandissant, faut se rendre à l'évidence que le film est une sombre blouse et que l'acteur est nul, hein, même si c'est pas forcément sa faute. Donc, Stan Lee. Nib. Alors après, ouais, je rejoins un petit peu Arnaud qui dit que le personnage est un peu pourri. C'est vrai avec le recul, mais au moins ça a permis d'introduire Robin au non-initié, on va dire. Donc rien que pour ça, moi je vote Robin. Clément. Il y a combien de points du coup là? Pour te répondre, Clément, ouais. Ils sont à égalité, c'est toi qui tranches. Tu vas faire de la merde. C'est un ami quand même. Mais non, j'en étais sûr qu'il allait faire ça. J'ai vu le score annoncé. Il a choisi Robin. Ouais, pour une fois, merci. Voilà. Non, mais c'est pas grave. Je regrette pas. Attends, tu vais t'attendre. J'ai tellement de bons personnages dans la prochaine émission des écrans. J'ai déjà des personnages en finale. Et puis j'ai quand même Harley Quinn, là encore, qui va se battre pour atteindre la finale du 6 septembre face au fameux Robin de Byron. Byron, est-ce que tu as des arguments en plus pour ton Robin? Non, mais j'en ai eu un peu contre Harley Quinn. Parce que, en fait, je trouve que Harley Quinn, en fait, là, c'est plus, en fait, un effet de mode, en fait, qui parle. Parce que je pense qu'il y a quelques années, peut-être 5 ans, personne n'aurait voté Harley Quinn, et que là, je trouve que c'est plus un effet de mode. Certes, c'était un bon perso, qui était marrant et tout, mais il faut quand même voter Robin. C'est mieux. Voter Robin. D'accord. Bof. Non, je vous fais confiance, allez. Harley Quinn, quand même, les gars, bordel. Ça s'est mal passé avant, alors tu devrais donner Monsieur J, enfin, Monsieur J, quoi. Belle réplique. Oui. Non, puis Harley Quinn, voilà, elle touche forcément la fibre nostalgique. C'est pas pour rien si les auditeurs l'ont placée en première position pour cette émission dans les votes. Et puis, enfin, Chris O'Donnell, quoi. Associé à George Clooney, enfin, c'était quand même le tandem de l'impossible. Je veux dire, faut quand même être réaliste 5 secondes. Je veux bien ne pas briser, l'innocence de Byron au moment où il a rencontré ce personnage, mais quand même, quoi. Allez, Byron, tu donnes ton point, je donne mon point, hop, ça c'est fait. Plus de Joker pour nos finales, et de toute façon, t'as utilisé le tien. On va voter maintenant, Arnaud. Harley Quinn, faut pas déconner. Nib. Robin. C'est Clément. Robin. Robin, 6, Harley Quinn, 8. Harley Quinn sort donc... Comme prévu, enfin j'avais peut-être prévu Stan Lee, mais voilà, pour moi Harley Quinn, elle est arrivée très loin dans cette émission, elle sort donc vainqueur de cette émission, mais vous savez que nous avons la possibilité de la switcher, et le switch de cette semaine est intéressant, je suis curieux de te voir Byron, puisque c'est toi, c'est un de tes personnages que tu vas devoir nous proposer, Byron, convainc-nous s'il te plaît d'échanger Harley Quinn contre Fish Mooney. Puisque c'est elle qui est repêchée aujourd'hui parmi les personnages éliminés au tout départ. Franchement, elle peut faire le poids. Quand j'ai vu son nom sortir parmi les 4 éliminés, j'ai vu qu'elle allait être dans cette émission, je me suis dit putain. Ouais, j'avoue, elle me fait peur. C'est quand même une femme qui a de l'ambition, qui a tenu quand même pendant pas mal de temps quand même avec le pingouin quand même la série Gotham. C'est une actrice reconnue quand même et enfin j'ai trouvé pas trop mal moi, enfin pour ce que j'ai regardé en fait de Gotham quoi. Enfin, c'était le début, il était pas mal, elle avait de l'ambition et du coup c'était justement moi c'était sa quête de pouvoir de diriger la mafia, la paire de Gotham qui faisait que je la trouvais plutôt intéressante. Et elle avait peur de rien et tout, donc du coup c'est pour ça que je l'avais choisi. Je pense que si elle doit arriver en finale, ce serait pour ces raisons-là, quoi. D'accord. Ça me gênerait presque qu'Harley Quinn arrive en finale, tellement j'ai de personnages dans 2 semaines dans la dernière émission des écrans qui risquent aussi d'arriver en finale. Mais bon, allez-y, gardez-la quand même. Allez, qui veut échanger? Non, c'est comme ça. Clément, tu échanges? Ouais, je trouve ça drôle, donc ouais. Nib? Non. Clément, c'est mon meilleur allié aujourd'hui. Ouais, Clément, aujourd'hui, il a décidé de... Mais comme c'est le seul à vouloir échanger, Harley Quinn sera au rendez-vous le 6 septembre à côté de Batman, de la même série animée, comme quoi cette série, elle va faire du mal. Elle retrouvera également Daredevil, Charlie Cox, et puis je vous rappelle également les 3 personnages pour le moment qualifiés du côté des comics, She-Hulk, Wally West, et à la grande surprise, vous l'avez entendu la semaine dernière, l'oncle Ben. Elle rigole pas, hein, c'est Oncle Ben. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission des comics qui verra notamment le Joker, Daredevil, la Batco, Hulk, enfin de grands personnages. Et puis on se retrouve dans 2 semaines pour la dernière émission concernant les écrans avec entre autres le Hulk du Marvel Cinematic Universe, Barry Allen, Grant Gustin et Linda Carter, Wonder Woman, Caitlin Snow, enfin voilà, plein de personnages qui me tardent de voir défendus. D'ici là, évidemment, continuez à bien profiter de l'été. À bientôt. Salut. Salut.